La seule chose à pouvoir combler notre cœur et nous apporter une réelle satisfaction dans notre vie est une relation avec Jésus-Christ. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Le péché, défini simplement, est tout ce que nous faisons avec un esprit d'indépendance et sans égard à la volonté de Dieu. Ce genre d'attitude rebelle nous place dans un chemin différent de celui que Dieu nous a préparé. Si nous délaissons la sécurité de son foyer, il nous sera très facile de poursuivre un but qui semble offrir une satisfaction. Mais en réalité, nous serons emportés par un tourbillon qui nous mènera irrémédiablement à la destruction. Mais nous ne sommes pas obligés de rater notre vie de cette façon. La parabole du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, nous procure une parole d'espoir et de restauration. Dans l'émission d'aujourd'hui, écoutez Charles Stanley vous tracer le chemin du retour à la maison. Voici Charles Stanley. Nous nous sommes tous éloignés de Dieu à un moment ou à un autre de notre vie. Vous vous demandez peut-être comment on peut s'éloigner de Dieu alors qu'il est partout à la fois. Quand nous parlons de nous éloigner de Dieu, nous ne voulons pas dire échapper à sa présence et faire en sorte qu'il ignore ce que nous faisons, car Dieu est omniprésent et omniscient. Nous ne pourrions pas non plus être hors de portée de sa puissance, car il est omnipotent. En revanche, nous pouvons agir d'une façon contraire à sa volonté pour notre vie. À ce moment-là, nous pouvons dire que nous nous éloignons de Dieu, ou, plus précisément, de son plan pour notre vie. Et ce que je décris est arrivé à chacun d'entre nous à un moment donné ou à un autre de notre vie. Oh, il peut s'agir d'une minuscule digression. Il peut simplement s'agir d'un instant où vous avez pensé une chose que vous n'auriez pas dû penser. Or, très rapidement, vous avez pris la décision de couper court à cette pensée inappropriée. Il pourrait également s'agir d'un détour plus long. Peut-être avez-vous décidé de vous éloigner de Dieu pour une journée ou une semaine ou une année. Peut-être même avez-vous pris la décision de vous éloigner de Dieu pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans de votre vie. Dans un cas extrême, vous pourriez même, après avoir été sauvé par la grâce de Dieu, décider, pour une quelconque raison, de vous éloigner de Dieu pour le reste de votre vie. À cause de circonstances dont vous êtes incapable de vous libérer, ou dont vous ne savez pas comment vous libérer, ou dont vous ne voulez pas vous libérer, vous vivez éloigné de Dieu pour le reste de votre vie. On pourrait penser qu'une personne qui vit aussi longtemps en étant rebelle à Dieu et qui meurt en de telles circonstances ira en enfer. Or, ce n'est pas nécessairement vrai, car une fois sauvé par la grâce de Dieu et par la mort expiatoire de Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu. Vous pourriez être un enfant rebelle, vous pouvez être un enfant obéissant, vous pourriez être un enfant capricieux ou même un enfant soumis et aimant, cela importe peu. Nous nous sommes tous éloignés de Dieu à un moment ou à un autre de notre vie, car nous avons tous déserté à un moment ou à un autre de notre vie. Que nous restions dans cet état pendant une minute, une année ou toute une vie, nous nous sommes quand même éloignés de Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur plusieurs choses dans la parabole du fils prodigue consignée dans le 15e chapitre de l'Évangile selon Luc. Elle s'applique à nous tous et nous pouvons tous nous reconnaître dans ce passage des Saintes Écritures. Premièrement, on remarque que Dieu nous permettra de nous éloigner de lui si nous le décidons. Dieu nous a tous donné un certain libre arbitre. Il est faux de prétendre qu'une personne dispose d'une complète liberté d'action, car Dieu détient le parfait contrôle de toute sa création. Cependant, il nous laisse une certaine liberté. Et si une personne décide délibérément et volontairement de s'éloigner de Dieu et de pécher contre lui, Dieu lui permettra de le faire. Prenons l'exemple du jeune fils de la parabole. Il a dit à son père, « Je veux recevoir la part d'héritage qui me revient. » Et son père s'est exécuté. À cette époque, un père avait le droit de partager son héritage et de le léguer à ses fils s'il décidait de le faire. Le fils aîné recevait toujours deux fois plus que les autres fils. Et les Saintes Écritures précisent, dans l'Évangile selon Luc chapitre 15, verset 25, que le fils aîné était dans les champs. Nous pouvons donc conclure que le fils qui voulait partir n'était pas l'aîné. Et au verset 12, il est écrit « Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père avait assurément le droit de le faire, même s'il savait que la demande de son jeune fils manquait de sagesse. Il avait sans doute déjà saisi que son fils avait pris la décision de quitter la maison. L'histoire ne dit pas s'il aurait pu le garder à la maison à cause de son âge. Le père a cependant décidé de le laisser vivre sa révolte et, malgré la douleur, lui a fait ses adieux. Il lui a permis d'en faire à sa tête, même s'il savait, comme tout père avisé, que son fils était sur la mauvaise voie. En effet, quand une personne déclare « Je veux en faire à ma tête, et c'est ainsi que les choses vont se passer. Je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je veux vivre ma vie comme je le veux. » Nous pouvons être sûrs qu'elle se dirige tout droit vers un monceau de problèmes. Nous devons comprendre que personne ne peut prétendre être sage tout en s'éloignant de Dieu. Dans cette parabole, Dieu est représenté par le père de ce fils capricieux. Or, la question est de savoir comment, après nous être ainsi égarés loin de Dieu et avoir pris conscience de notre erreur, nous pouvons revenir à Dieu. La réponse à cette question se trouve dans la deuxième partie de cette parabole, dans le 15e chapitre de l'Évangile de Luc. Au verset 14 à 16, nous avons lu précédemment que le fils s'est retrouvé sans le sou. Pour survivre, il a dû garder des pourceaux, ce qui était considéré comme une tâche vile. Le fils est donc très malheureux de sa condition, on peut s'en douter. Voyons maintenant la suite au verset 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Voilà donc comment vous pouvez revenir dans la maison de Dieu. Et vous auriez beau me dire « Mais vous ne savez pas tout ce que j'ai fait. Cela importe peu. Je n'ai pas besoin de le savoir. Que vous vous soyez éloigné de Dieu hier ou il y a 40 ans est sans importance. Vous pouvez revenir auprès de Dieu de la même manière que ce jeune homme. Vous voyez, aussi longtemps que vous croirez aux mensonges de Satan, qui vous bombarde de telles pensées, continue comme tu le veux. Les choses finiront bien par s'arranger. Tu trouveras bien le moyen de t'en sortir par tes propres forces. Tu es tellement débrouillard et intelligent, tu n'as besoin de personne. Vous ne voudrez pas revenir auprès de Dieu. Or, quand vous êtes finalement à bout de ressources, comme ce jeune homme, et que vous dites à Dieu, « Seigneur, j'admets que cela n'a pas marché. J'ai essayé de vivre ma vie comme je voulais, mais j'ai tout raté. Seigneur, que peux-tu faire pour moi ?» Vous entreprenez les premiers pas de la victoire sur le chemin du retour vers Dieu. La deuxième étape à présent est de regagner le bon sens spirituel. Demandez-vous, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Comment ai-je pu me détourner de lui ainsi? Comment ai-je pu négliger ma relation avec lui? Comment ai-je pu oublier les principes des Saintes Écritures? Comment ai-je pu me croire plus intelligent et plus futé que Dieu? Quand nous sommes à bout de ressources, nous regagnons notre bon sens spirituel. Et nous prenons alors la meilleure des décisions quand nous méditons ce genre de pensée. Je retournerai vers mon Père. Je lui demanderai pardon. Je me repens de mes péchés. La repentance est en effet un acte volontaire, une décision que nous prenons. Elle n'est pas un sentiment. La Bible explique que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Lisons 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pourquoi parle-t-on de tristesse? Parce que nous avons péché contre Dieu, parce que nous avons péché contre nous-mêmes et parce que nous avons péché contre d'autres personnes. Cette tristesse, selon Dieu, conduit donc à la repentance. Elle est la conséquence au regret que nous exprimons à Dieu après avoir réalisé que nous avons péché et que nous avons blessé, non pas Dieu, mais nous-mêmes. Seigneur, j'ai décidé de changer la direction de ma vie. Je ne veux plus m'éloigner de ta route. Je veux revenir à la maison. Je me soumets délibérément à ta volonté désormais. Aussi, c'est lorsque nous sommes à bout de ressources que nous regagnons notre bon sens spirituel. La parole de Dieu affirme que ce n'est qu'après avoir pris cette décision que nous expérimentons une sincère repentance. Peu importe pendant combien de temps vous êtes demeuré dans le péché, peu importe ce que vous avez fait, peu importe pendant combien de temps vous l'avez fait, vous ne pouvez vous mettre hors de portée du pardon et de la grâce de Dieu. Cela signifie-t-il que vos gestes n'ont aucune conséquence devant Dieu? Non, mais cela veut dire que Dieu comprend le péché et il en connaît la nature. La question est de savoir si vous voulez regagner le chemin tracé par Dieu, et parfois, vous devez être à bout de ressources pour renoncer et vous dire enfin « cela ne fonctionne pas comme je le veux ». Ensuite, vous devez regagner votre bon sens spirituel et vous demander quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Premièrement, donc, vous devez vous repentir de votre rébellion et deuxièmement, décider de retourner dans les voies tracées par Dieu. Or, il se peut que 10 ans, 5 ans ou même 40 ans se soient écoulés depuis que vous avez quitté le chemin de la maison. Vous pouvez toujours regagner le sentier originel de Dieu, celui qu'il avait tracé pour vous. Bien entendu, vous ne pourrez pas accomplir tous les desseins qu'il avait pour vous, étant donné que vous avez décidé de suivre un autre chemin pour quelque temps. Cependant, même si vous avez gâché une partie importante de votre vie, même si vous avez gaspillé de précieuses années, Dieu peut réparer les dégâts et vous faire recommencer. Il vous permettra alors d'accomplir ce qui peut encore être accompli à partir de ce moment exact de votre vie où vous décidez de vous soumettre entièrement à lui. Pourrez-vous être heureux? Oui. Pourrez-vous être satisfait? Oui. Aurez-vous des remords et des regrets? Bien sûr que oui, car quand vous serez revenu sur le bon chemin et que vous aurez recommencé à expérimenter l'amour et les bénédictions de Dieu, vous penserez à toutes ces années perdues à courir après des chimères et vous vous demanderez alors comment vous avez pu vous laisser ainsi posséder. Toutefois, serez-vous capable de marcher en accord avec la volonté de Dieu à partir de ce moment? Oui, absolument. Revenons à notre question de départ. Que pouvons-nous espérer, ou, si l'on préfère, qu'espérer après une si longue absence, qu'il s'agisse d'une journée, d'une année ou de 40 ans passés loin de Dieu? Voici la réponse de notre Père Céleste dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 20 à 24. Et il, en parlant du jeune fils, se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. « Quelle est la réponse du Père? Le pardon. Quelle est sa réponse? L'acceptation. Quelle est sa réponse? Le fils rebelle a retrouvé sa place au sein de sa famille. Quelle est sa réponse? La réjouissance. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, et pendant combien de temps vous l'avez fait, Dieu vous pardonne. Il est un Père d'amour. Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix, mourir pour nos péchés. Tous nos péchés, passés, présents et futurs, ont été placés sur ses épaules. Et quand nous l'avons reçu comme notre Sauveur, Dieu nous a lavés dans la rivière du pardon. Nous marchons maintenant sous l'abri du pardon de Dieu, jour après jour. En plus de nous pardonner, la Bible nous confirme que Dieu nous accepte et nous restaure, et il se réjouit de notre retour. Prenons le temps d'imaginer la scène. Pensons à ce Père assis dans sa maison, près d'une fenêtre. Peut-être au moment où le soleil se couche. Il regarde dehors, le long de ce chemin d'où il observe les voyageurs depuis tellement longtemps. Depuis des mois, peut-être des années, il voit les caravanes passer le long de cette route et des gens marcher. Or, ce jour-là, alors qu'il est à son poste d'observation, il aperçoit une silhouette se profiler dans le lointain. Il ne sait pas encore que c'est son fils, sale, sans le sou, embarrassé, abattu et craintif de la réception qui l'attend à la maison. Le père continue d'observer ce voyageur qui s'approche lentement. Et plus il regarde, plus il lui semble que la démarche de l'homme lui est vaguement familière. Il n'ose pas trop penser qu'il pourrait s'agir de son fils, car il a cru si souvent le voir revenir, qu'il ne veut pas se bercer de nouveau d'illusions et puis souffrir, déçu de ses faux espoirs. Et pourtant, plus la silhouette s'approche, plus elle lui semble familière. Il fixe le voyageur. Il écarquille ses yeux pour mieux voir. Soudain, la conviction chasse le doute. Il reconnaît cette démarche. Il sait qui est cet homme. Son fils rebelle est perdu depuis si longtemps. Et comment réagit-il? Imaginez un peu que ce père ait été un pharisien. Il aurait pensé confortablement assis dans sa chaise. « Attendez qu'il arrive ici. Attendez seulement. Je vais lui passer un de ses savons. Je vais lui dire ma façon de penser à ce fils rebelle, désobéissant, méchant et ingrat. Attendez qu'il se pointe ici. » Heureusement pour nous, Dieu n'est pas comme cela. La Bible nous rapporte dans ce passage un détail sur le caractère de Dieu qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il faut le savoir, à cette époque, une personne d'un rang élevé ne courait pas en public, c'était de mauvais ton. Or, au verset 20, il est écrit « Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Jésus nous décrit le Père en train de courir pour prendre son fils rebelle et indigne dans ses bras, pour lui dire qu'il l'aime, pour l'embrasser et pour lui faire comprendre qu'il est accepté comme il est. Pendant tout ce temps, le fils essaie vainement de dire « Père, j'ai péché contre toi ». Or, il a toutes les difficultés du monde à placer un mot, tant son Père, heureux, ne cesse de l'embrasser. Et si on me demandait s'il l'a pardonné, je répondrais par l'affirmative et j'ajouterais que le fils a été pardonné quand il est parti de la maison. Il était déjà pardonné pendant le temps où il vivait loin de son père, car voyez-vous, quand Jésus-Christ est allé sur la croix, il est mort pour nos péchés. Et pour combien de nos péchés Jésus est-il mort il y a 2000 ans? Pour tous! Car s'il nous restait un seul péché, nous serions encore perdus. Jésus-Christ est mort pour chacun de nos péchés. Nous marchons maintenant dans la source du pardon de Dieu. Sans cela, il n'existe aucune joie véritable. Nous souffrons des conséquences de nos actes quand nous nous rebellons contre Dieu et que nous empruntons une autre voie que la sienne. Le jeune homme a découvert un père qui lui a pardonné, qui l'a accepté, qui se réjouissait de son retour et qui l'a aidé à restaurer ses forces. Et en revenant à la maison, le père a dit à ses serviteurs, au verset 22, « apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. En signe de communion et de restauration, et des souliers aux pieds. Le fils était mal vêtu, sale, et il sentait mauvais. Or, peu importe pour le père, il a ordonné à ses serviteurs de le célébrer. Qu'on lui donne ce qu'il y a de mieux. Ah oui, et tuez-moi ce veau que j'engraisse depuis des mois. On va faire la fête. Mon fils est revenu à la maison et on va célébrer. On peut remarquer une constante dans le chapitre 15. Dans la première parabole, la brebis perdue est retrouvée et on se réjouit. Dans la deuxième parabole, la pièce d'argent perdue est retrouvée et on se réjouit. Et dans la troisième parabole, le fils perdu est retrouvé et encore une fois, on se réjouit. Comment Dieu réagit-il à votre retour à la maison? Il est prêt à vous pardonner si vous le lui demandez, car le pardon a été offert à la croix. Vous n'avez qu'à vous l'approprier personnellement et le tour est joué. Dieu vous acceptera comme vous êtes, sale et aussi abattu que vous puissiez l'être. Il rétablira sa communion avec vous, et la Bible rapporte même que les anges du ciel se réjouiront au sujet d'un pécheur qui se repent. Cela est valable aussi bien pour une personne nouvellement sauvée que pour une personne qui s'est repentie, puis a de nouveau consacré sa vie au Seigneur. À présent, j'aimerais clarifier une chose. Il existe des conséquences au péché. On pourrait se demander si Dieu punit les déserteurs. On pourrait examiner la parabole du fils prodigue et en déduire « le père lui a pardonné ». Il lui a donné une robe et des souliers neufs, une bague, et ils ont fait la fête. Il n'y a eu aucune conséquence négative. Pas si vite. Pensez-vous qu'il s'en est tiré aussi facilement? Je l'ai mentionné auparavant et je le répète. Quand le fils a emprunté une voie différente de celle tracée par son père, il y a eu des conséquences. Premièrement, il s'est égaré. Deuxièmement, il a gaspillé son héritage. Troisièmement, il s'est retrouvé à la rue. Quatrièmement, il a dû vivre des expériences malheureuses. Cinquièmement, il est devenu malheureux au plus haut point. Sixièmement, il s'est fait rejeter et a perdu son estime de soi. Et septièmement, il a été brisé émotionnellement, ruiné et profondément déçu. Trouvez-vous qu'il s'en est tiré à bon compte? Je ne crois pas. Et nous n'avons pas parlé des jours et des nuits d'isolement et de crainte, ni de celles passées à regretter sa décision et la situation à laquelle il ne voyait pas d'échappatoire. Pour un Israélite, se coucher le soir, en pensant qu'il fallait encore se lever le lendemain pour s'occuper des pourceaux, n'avait rien de réjouissant. Et le même scénario se présentait pour les jours à venir, les mois et même les années. L'avenir ressemblait pour lui à un long tunnel sans débouché. Sa seule perspective d'avenir était le fumier. Si donc vous pensez qu'il n'y a pas eu de conséquences à son péché, vous avez tort. Écoutez-moi bien. Notre Père céleste n'a aucune intention de punir un de ses enfants qui se repent. Le Dieu de la Bible n'est pas ainsi. Trop de gens pensent, si je me présente de nouveau devant Dieu, que va-t-il me faire? Je vais vous le dire. Il vous pardonnera, vous restaurera et se réjouira de votre retour. Dieu connaît la punition du péché et il n'en ajoutera pas. Le Père a-t-il puni le jeune fils? Non. Or, les conséquences du péché sont les conséquences naturelles du péché. C'est pourquoi, dès le début de la création, Dieu a dit à Adam et Ève, « Ne faites pas ça, car si vous le faites, vous n'aimerez pas les conséquences. » Personne ne s'en tire à bon compte. Même si parfois, vu de l'extérieur, une personne peut sembler le faire, cette douleur interne et profonde de la séparation d'avec Dieu est la pire conséquence du péché. Comment fait-on pour revenir auprès de Dieu? Vous reconnaissez votre erreur et parfois il faut être au bout du rouleau pour regagner son bon sens spirituel. Et si vous n'avez jamais fait confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur, regardez ce que la Bible dit sur votre condition spirituelle réelle dans Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et dans Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La seule façon d'être sauvé, c'est d'entretenir une relation personnelle avec Dieu. Ce Dieu qui nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ et qui a rétabli la communion avec lui. Comment pouvez-vous revenir auprès de Dieu? Avec humilité, en confessant votre péché et en vous en repentant devant le Père, en prenant la décision de vous convertir et de profiter du don de grâce de Dieu. Il y a 2000 ans, un Père céleste a cloué son Fils sur une croix. En faisant cela, il disait à chaque pécheur du monde entier et de toutes les époques, « Vous pouvez maintenant revenir à la maison, car mon amour pour vous, par le sang versé de mon Fils Jésus-Christ, a expié votre péché. Et si vous êtes prêt à recevoir mon Fils par la foi, vous pouvez rentrer à la maison. Et je vous aimerai, quoi qu'il arrive. Vous serez pardonné, vous serez accepté, vous serez restauré et je me réjouirai. » Peu importe où vous êtes et depuis combien de temps, peu importe ce que vous avez fait, Dieu espère que vous reviendrez auprès de lui. Comme Charles Stanley l'a enseigné aujourd'hui, dès l'instant où vous prenez conscience que vous êtes dans un pays éloigné, vous pouvez prendre la sage décision de revenir à la maison. Dieu vous pardonnera, vous acceptera, vous restaurera et se réjouira de votre retour. Revenez donc à la maison du Père. En tant que croyants, nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de rejeter le péché et de lui préférer une vie consacrée à Dieu. Dans Romains chapitre 6, versets 12 à 14, on peut lire « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.